pour le fils. Ça. Un, un, yeah. Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 6, 0, 6, ça. Yeah. 1, 1, amalgame. Records. Ça. Ok. 1, 1, put your hands up. Put your hands up. 1, put your hands up. Put your hands up, Apophis est dans la place. Mon flow casse des vitres, la police met des mandats cash. En cancer j'arrache des tripes, donc tu cries. C'est la base, pour l'instant ferme ta gueule et rappelle-moi quand t'as le cash. J'ai pas quitté la zone, je recherche la bonne voie. J'attends pas un coup du sort, prendrai mon avenir en main. Même si c'est bien pour faire du son. Maintenant quand m'a arraché de mon berceau natal, je la joue perso mal. Fais gaffe à quelle porte tu toques, fort que je te croque. Je serai au top du top, j'aurai de l'or, t'auras du toc. Sans j'à sortir les armes et à danger dans la cabane. Avant tout quand prend la forme, c'est Louis Vuitton, pas Dolce Gabbana. Reste intact, tu l'impact de mes mots sur vos mises en scène. Gros, c'est juste une mise en bouche de couche une fois mise en scène. À propos vos fils, on est accro comme la nicotine. Y'a pas de patron qui parle trop, moi je nique vos fils. From the streets to the no. Des fachos, des cachés. Ici on se méfie des gadgets, ta meilleure dent de dégager. C'est l'enfant fâché, le cœur taché, au fond fragile. Je sais pas ce que t'imagines, mais ce soir tu prends ta gifle. Je relève chaque défi, donc méfie-toi de l'eau qui dort. C'est comme les meufs ou comme un albanais face à un loup qui dort. De plus en plus sale, de plus en plus hard. Petite reste sage si tu ne veux rien regretter plus tard. Non, t'es pas ma meuf, je m'en bats les couilles si t'avales. Ça c'est pour mon squat tout neuf, de corgez-moi à ta balle. C'est les survivants qui l'emportent. Parce qu'avec deux calibres et 10 dans squat, t'es le bitume du lion d'or. Tous les vrais potes, la belle époque du 57. Aujourd'hui je donne tout pour la famille qui t'a purgé 5 ans ferme. Sans plus qu'à part, j'ai braqué le bis en verre de cash facile. Même si je rate ma cible, à part faire du sang, j'ai pas de loisir. From the streets to the no. Yeah. Ça, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Yeah.